Monsieur Sivigny est au bout du fil. Bonjour, Monsieur Sivigny. Bonjour. Alors, je le rappelle, vous êtes président de l'Union des municipalités, vous êtes maire de Sherbrooke, et hier, vous prononciez une allocution. On va commencer par ça, parce que c'est pour cette raison que je vous ai téléphoné d'abord, enfin, que j'ai téléphoné votre cabinet, et puis par la suite, bon, on a appris que les consultations là, de l'ONU avaient avorté hier. Alors, on reviendra évidemment sur le sujet, mais d'abord, parlons de la politique de renouvellement culturel du Québec. Hier, vous avez proposé différentes pistes d'action pour avoir le financement, bien sûr, et la gouvernance, là. Oui, parce que, mais d'abord, le ministre de la Culture et des Communications, c'est le député de Sherbrooke, donc il voulait terminer sa tournée de consultation ici à Sherbrooke. Et ben, effectivement, hein, l'argent est le nerf de la guerre. Et nous, ce qu'on avait à dire au ministre, c'est de réinjecter des fonds autant, bon, si on prend les bibliothèques, parce qu'il y a plusieurs volets. Quand on parle de culture, évidemment, dans toutes les régions du Québec, il y a plusieurs volets. Il y a les bibliothèques pour lesquelles les municipalités investissent beaucoup d'argent. Donc, près de la moitié du financement des bibliothèques publiques sont des fonds municipaux. Il y a également les églises, le patrimoine religieux qui, bien souvent, lorsqu'il y a fermeture d'église, on se tourne souvent vers la municipalité pour récupérer et conserver ces églises et les convertir en bibliothèque ou autres institutions. Il y a les musées, donc des musées qui sont bien souvent dans des municipalités un moteur non seulement de développement économique, mais touristique, et devoir d'en avoir pour tout le monde, en fait. Et on comprend très bien que les institutions de Montréal et de Québec ont leur importance, évidemment, comme capitale nationale et métropole, mais en même temps, dans plusieurs régions du Québec, il y a une vitalité culturelle avec des communautés qui n'ont pas nécessairement les moyens de leurs ambitions. Je pense qu'il faut soutenir tous les volets de la culture dans toutes les régions du Québec. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le patrimoine local? Oui, le patrimoine local et le dynamisme local également, les institutions locales. Et je pense que ça prend un regard particulier pour de la part du ministère, parce qu'évidemment, dans bien des cas, ils n'ont pas la masse critique pour générer l'apport du privé, par exemple, pour soutenir des activités culturelles. Donc, ça prend peut-être, en termes de financement, un effort additionnel pour les communautés un peu plus à l'écart des grands centres pour pouvoir assurer justement une vie culturelle, ne serait-ce pour que la jeune génération y ait accès. Donc, ça fait partie des enjeux dont j'ai parlé au ministre hier comme président de l'Union des municipalités du Québec et dans une perspective de réinvestir dans la culture, parce qu'on comprend là, au cours des dernières années, là, il y a eu des contractions de budget, mais si on a des sous à remettre dans le réseau, dans la culture, il faut le faire avec les municipalités, discuter avec les municipalités et de s'assurer que chacun y trouve son compte. Là. Oui, ça semble être le gros bon sens. Là. Est-ce que vous avez une oreille attentive du ministère de la Culture et des Communications? Oui. Disons que le ministre, évidemment, il vient des régions aussi, alors il comprend très bien cette dynamique-là. Et en même temps, je vous dirais, en 2011, les unions municipales et le ministère s'est entendu sur un cadre de référence. Donc, lorsqu'il va y avoir, par exemple, si le ministère veut financer des musées, puis je pense qu'il y a quelques semaines, le ministre a annoncé le soutien à 7 institutions muséales. Nous, ce qu'on dit, il faudrait en discuter avec le monde municipal, parce que ce sont des institutions qui, bien souvent, sont des moteurs dans des communautés. Et je pense qu'il faut arrimer les besoins municipaux, les politiques culturelles locales, plutôt que de faire l'inverse, c'est-à-dire de tout se rattacher aux orientations ministérielles. Je pense que le ministère doit s'inspirer des politiques locales pour pouvoir déterminer là, les grandes orientations en matière de culture et de financement de la culture aussi. Oui, outre le financement, est-ce qu'il y a des recommandations là, plus structurantes? Est-ce que vous demandez des choses précises aussi, là, des politiques de consultation, par exemple? Oui, ben nous, ce qu'on demande, c'est que les ententes, vous savez, les ententes que le ministère signe avec les municipalités, depuis 2 ans, on signe des ententes d'un an, de 2 ans, et c'est pas suffisant. Si on veut planifier, si on veut se donner un peu une perspective de développement de la culture dans les municipalités et dans les régions, ça prend des ententes d'au moins 3 ans. Et je pense que le ministre a été assez réceptif à cet égard-là. Et en même temps, ce qu'on demande, c'est la consultation du monde municipal à travers des instances qui existent déjà et qu'on devrait dynamiser. Je pense que c'est en ouvrant le dialogue qu'on se comprend, ouais. Et c'est en se comprenant qu'on fait les meilleurs choix. Donc, oui, il y a une question d'argent, mais c'est pas juste, comme vous le dites, une question d'argent, c'est vraiment une question de relation entre le monde municipal, les communautés et le ministère de la Culture et des Communications. Est-ce qu'il y a des échéances qui ont été planifiées? Est-ce qu'il y a des dates butoirs ou... Bien, le ministre a reçu, a entendu près de 3 000 personnes dans sa tournée. Il va prendre l'automne, je pense, pour digérer tout ça. Ouais. Et il présentera au cours de l'hiver, probablement. Et là, je peux pas vous parler là des échéances précises du ministère, mais on s'attend à ce que au cours de l'hiver ou au début du printemps prochain, qu'il puisse avoir un dépôt de la politique ouais. culturelle en fonction et voir dans quelle mesure les gens ont été entendus. Mais je pense que le ministre a fait preuve d'une oreille attentive. Maintenant, on va voir dans les faits comment ça va se traduire dans la nouvelle politique. Oui, c'est ça, une bonne année de gestion, là. Voilà. Monsieur Sivigny, je ne peux pas ne pas vous parler des audiences Énergie S. Il y a Dominique Lelièvre, notre journaliste, qui s'est joint à nous pour parler de ce sujet. Hier, l'Union des municipalités, votre porte-parole, tout comme Denis Coderre, s'est retirée. La journée d'hier a été annulée, aujourd'hui aussi. Votre position sur le sujet? Bien, la position est la même, c'est-à-dire le projet dans la situation actuelle est inacceptable pour le monde municipal et la démonstration que ça a fait, le monde municipal a parlé d'une voix, et quand je dis d'une voix, vous l'avez dit, c'était l'Union des municipalités du Québec, le maire de Laval, Marc Demers y était, le maire de Montréal. Les impacts par rapport aux retombées que les municipalités peuvent en tirer, c'est-à-dire les risques, on parle d'impact, là, mais parlons de risques, les risques à ce moment-ci sont beaucoup trop grand pour les prises d'eau, parce qu'il y a des responsabilités municipales dans il faut voir en Saskatchewan la fuite qu'il y a eu, c'est la municipalité qui a géré les conséquences. Particulièrement en matière d'eau potable, les prises d'eau potable sont gérées par les municipalités et les risques du projet tel que présenté sont beaucoup trop grands pour que le monde municipal puisse donner son aval là-dessus. Donc, et vous comprendrez que, et on l'a vu hier, dans le climat, on tient pas des consultations là dans une situation de dérapage comme on l'a connu hier. Je pense que c'est sage de se retirer un peu là et de voir comment l'Office national de l'énergie va planifier la suite des choses. Mais et en même temps, on privilégie pas nous la stratégie de la chaise vide. On va y aller puis on va dire ce qu'on en pense et pourquoi on est contre le projet. Mais les circonstances d'hier faisant ça, c'est impossible de le faire. Oui. Il y a des intervenants dont le maire Coderre qui ont été très très critiques du processus de l'Office national de l'énergie qui ont remis en doute l'impartialité de ses commissaires. Vous, à l'Union des municipalités, vous en pensez quoi de ce processus de cet organisme fédéral, l'ONE? Bien, à partir du moment où, effectivement, le maire Coderre a soulevé cette situation-là, à partir du moment, je vous dirais, où le doute est créé, parce que, vous savez, l'Office national de l'énergie, comme d'autres instances de consultation, doit être exemplaire sur le plan de la gouvernance. Et à partir du moment où il y a des doutes parce qu'il y a eu des rencontres de la part des commissaires, je pense qu'on est en droit de se poser des questions et l'Office, je pense, a un examen de conscience à faire parce que est-ce qu'on continue dans les mêmes circonstances? Est-ce que les commissaires doivent se récuser? Et là, c'est des questions que le maire de Montréal a posées et qui a eu écho, je pense. Vous savez, ces instances-là ont, encore une fois, à être exemplaires sur le plan de la gouvernance, justement parce qu'ils entendent. Ils entendent des points de vue différents et ont à prendre une orientation, surtout dans ce cas-là. C'est un tribunal quasi-judiciaire. Et est-ce qu'on peut se permettre qu'il y ait du laxisme ou à cet égard-là, à l'égard de la gouvernance, et c'est la raison pour laquelle, et c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu des manifestations hier, et je pense que l'Office a à faire rapidement un examen de conscience là sur cet élément-là qui est très pertinent. C'est pertinent de le soulever dans le contexte où un projet comme celui-là ne fait pas l'unanimité, loin de le faire, d'un océan à l'autre. Je pense qu'ils ont des responsabilités, le fait ça des responsabilités, et il va falloir qu'il y ait des changements. Donc, nous, c'est notre position et on partage le biais qui peut y avoir, qui a été soulevé par le maire de Montréal. Il y a beaucoup d'intervenants. Il y en a certains qui ont une position plus claire que d'autres. Quand on regarde la communauté métropolitaine de Montréal, eux, c'est clairement contre l'oléoduc. Vous, à l'Union des municipalités, vous nous avez exposé votre position un peu précédemment. On vous sent préoccupé, mais on ne vous sent pas clairement contre. Finalement, est-ce qu'on peut vous classer parmi les contre l'oléoduc ou on attend encore de voir qu'est-ce que TransCanada a à dire là, pour se défendre un peu? Non, à ce moment-ci, nous sommes contre. Nous sommes contre et je pense que ça reflète la position de l'ensemble des municipalités jusqu'à Lévis. Là. Demandez au maire de Lévis, est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'un l'oléoduc traverse sous le Saint-Laurent et arrive à Lévis, le maire de Lévis, dans la façon dont le projet est présenté, il est contre. Et je vous dirais, évidemment, à l'Union des municipalités du Québec, on parle au nom de l'ensemble des municipalités. Est-ce qu'il peut y avoir une municipalité ou une autre qui, pour des raisons économiques, sont plutôt favorables? C'est pas impossible, c'est pas une secte, l'UMQ, mais je vous dirais, de façon générale, les discussions qu'on en a eues depuis plusieurs mois avec les membres de l'UMQ, de façon générale, les villes sont contre et l'UMQ est contre le projet tel que présenté actuellement. Et nous sommes à la même place là, que les membres de la CMM qui sont aussi membres de l'UMQ. Monsieur Sivigny, pardon, je parlais tout à l'heure avec Monsieur Beauparlant qui est un producteur aussi qui est affecté là, par cet oléoduc. Mais est-ce que vous savez à quel moment vous pourrez parler? Là, les audiences ont été hier, ils ont avorté, aujourd'hui visiblement aussi. Est-ce que vous avez un échéancier? Est-ce que vous avez un moment là, auquel vous pourrez vous exprimer? Ben, je ne sais pas que la façon dont l'Office national va réorienter ces choses. J'ai parlé hier soir au maire de Montréal et à Suzanne Roy, là, qui représentait l'UMQ comme présidente ex officio. On ne sait pas encore est-ce qu'on va poursuivre dans la même forme. Est-ce que ça va être des consultations un peu plus privées? Est-ce qu'ils vont recevoir des mémoires par écrit? On connaît pas la volonté encore de l'Office et je pense que sagement, ils ont pris la journée d'aujourd'hui, donc de suspendre pour une deuxième journée les audiences, de façon à ce que qu'ils puissent réfléchir à tout ça et nous fassent part de la suite des choses. Mais l'agenda, à cet égard-là, leur appartient à l'Office national de l'énergie. Alors, vous en saurez certainement plus dans le courant de la journée. Probablement. Voilà. Ben merci, Monsieur Sivigny. C'était un plaisir. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Bernard Sivigny, président de l'Union municipale des municipalités du Québec et maire de Sherbrooke. 8h46 en compagnie de Dominique Lelièvre. Dans quelques minutes, on va faire un...